Focus, the big toys. He's a gonna do it. Yeah. He's a gonna do it. Messi. Les kilos de C sont remontés, le bilan la peu sont remontés, même les patins sont remontés, toutes les bretelles sont remontées. Ah, la remontada. Ce soir c'est la remontada. Ce soir ton équipe est démontée, je ne comprends pas, j'ai les menottes. Là le réseau est démantelé, y'a les favos sur le renté. Chaud, chaud, chaud, je vois que les voisins bâtards se sont mêlés. Chaud, chaud. C'est le bénéf aujourd'hui qu'ils ont scellé. Pour le vélo, on peut mettre des douilles. On risque nos vies pour le vélo. On veut tous la médaille. Aujourd'hui le fou ouvre à midi. Les Yankees viennent à midi. Aujourd'hui le fou ouvre à midi. Les Yankees viennent à midi. Ramène la massa, y'a de la top en massa. On fait pas de manière crânienne, sera le massacre. Les kilos de C sont remontés. Le bilan la peu sont remontés. Terrain sans menottes, si les feux que veulent m'attaquer, passe mon jambe virgule sans m'arrêter. Ah.